sa fermeté devant ses troupes séditieuses. Pendant les 10 années de la guerre des Gaules, il ne s'éleva aucune sédition dans l'armée de César. Il y en eut quelques-unes pendant la guerre civile, mais il les apaisa sur le champ, et par sa fermeté bien plus que par son indulgence, car il ne céda jamais aux mutins et leur tint toujours tête. Près de Plaisance, il licencia ignominieusement toute la 9e légion, quoique Pompée fût encore sous les armes. Et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine, ce ne fut qu'après les plus nombreuses et les plus pressantes supplications, qu'après le châtiment des coupables, qu'il consentit à la rétablir.